Ouais, ouais. Hein, je le ferai. Shoot Star Love. Hein, ouais. Hein, ouais. Ouais. Viens, je t'explique. Lors du crime, clic, clic, je te brousse une chaîne à tes trous, chaîne guerre. Ce qui mène la course, rap de vrai, je dingue. Tout doux bonhomme, comptons les risques ensemble. Que des profs au quotidien, vous filons nous parmi les reptiles. Au milieu de vipères, appelle arqué ou proche, accroche-toi. Je devrais, c'est par là, ramène-toi donc, rends-toi utile. Serre la cause à laquelle j'opère, black plumber, rap criminel, fier en flair. Trie les vrais du faux, pied ta terre, rap pervers. Serre de la pompe pour mes zones souterraines. Colon MC dans un terrain, singularise ses concepts, j'crée le mien. On y va les gars, shoot star l'Europe. Couche tard, délinquant ou chien de guerre ou trou, c'part là, je le ferai. Trop souffrir, alors on est, faut du concret, je ne crée. Vous aidez jusqu'au bout de ton crime. Comment vous dites que je perds les pédales? Ici la rue, c'est promoteur, drugstore, Heineken contre sport. Quoi qu'il se passe, on va le faire carré. Même si ça me coûte mon dernier sauve, dernier bouffe de terre, rien à foutre, ça peut le faire. Je sais que je peux le faire comme te plaire ou te faire taire, gangsta. Je le ferai, je le ferai. Un jeu de vrai pour moi, c'est perdre sa vie à essayer de la gagner sans perdre sa foi. C'est partir de rien pour devenir quelqu'un dans ce monde froid. Putain mais qu'est-ce que tu veux de moi? Ma caille, ma perte, mon style. Tu veux quoi? Tu veux que j'arrache un sac ou que je vende du shit? Peut-être que tu préférais me voir en prison et que je perde oui, l'odorat, le toucher, le goût et la vision. Tu souhaites peut-être que je t'affronte face à moi, tu te sens puissant. Mais sache que c'est œil pour œil, dent pour dent et 100%. Je me suis jamais pris pour le ma'alem. J'essaie juste de faire le bien mais je dois pas le faire bien. La wa'alem 2-0-0-1 sans guns. Je vais te mettre au parfum même si à la fin on s'engueule. Je suis ni ton Mac ni ton porte-valise. Je coche juste dur car dans le 0-2 c'est pas le carnaval de Venise. Au jeu de vrai on y joue, qu'il s'agisse de fierté ou de bijoux. On te donne tout avant de tendre l'autre jour, pousser un autre jour. Jeu de vrai sans regret, sans mort, jusqu'à la mort et pour toujours. Je reste abstrait mais ne fais pas le sourd. Y'a quelques infos que t'es n'info pour y te dicter une fois sous. Carré rouge 45-380, loot dans la course. P.O. shoot, starré au REF, clip ma shoot. Jeu de vrai, comme narguer le danger. Jeu de vrai, comme revenir se venger. Jeu de vrai, comme voler pour manger. Jeu de vrai, jeu de vrai, jeu de vrai. Je devrais comme narguer le danger. Je devrais comme revenir se venger. Je devrais comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, je devrais, je devrais. Je t'incule, je serai pas pour réussir, c'est malé. Aigué et manie, j'ai que des mots qui tuent et pas de canif. Vous croyez que ça nous plaît de rester là, se ressasser le passé, tenir les murs, fumer, boire, se tenir les burnes, faire la brinque sans penser au lendemain. Nos vies sont brèves, elles s'arrêtent brusquement. Quand tu sens le début de la fin, il est déjà trop tard, brutal. Comme quand un frère part d'un accident de caisse banale, d'une mort carcérale. Tous ces ennemis d'état, alors tu t'en pas si chez nous ça cherche le FRIC. Un jour le FLIC, j'ai la rage comme le FLNC. J'ai un jour le FNC, véridique tu veux mon CV. Sors ta CB, achète mon CD. C'est un jeu de vrai, cesse d'essayer. Il faut être rap, chien, guerre, carré rouge, loot, fell. On reste les mêmes, ce qu'on reflète. On peut pas effacer le passé qui nous rattrape toujours, ni prévoir le futur. Alors on vit au jour le jour, en évitant les descentes des flics, les moments d'échéance, l'échec, l'échelonnement de la fin. Qu'on se fasse descendre ou pas, on est tous condamnés à finir ensemble. Chacun m'attend 5 minutes, 5 secondes, 5 centièmes de seconde. Où son cœur c'est ça de battre, alors bat-toi. Cette verrue de partout, comme tu fais. Dans la rue y'a pas d'arbitre, c'est la merde partout. Et ça se répercute sur mon rap. J'ai les frères braque, frappe, éclate, clame sous les balles. Ceux qui n'ont pas eu choix, comme quand ils se retrouvent devant le juge. Les jeunes imitent les doyens, couche pour couche, donner les moyens de réussir. Mettre les parents en place et quitter le décor. Plus langue suspectée, on devient suspicieux. Quand ils passent près de nous, c'est le suspense. Je parie de scène, qui sent, on a la rage et on va vaincre. Révolutionnaire à la Che Guevara, hasta la victoria, siempre. Je devrais comme narguer le danger. Je devrais, je devrais comme revenir se venger. Je devrais, je devrais comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, je devrais, je devrais, je devrais, je devrais comme narguer le danger. Je devrais, je devrais comme revenir se venger. Je devrais, je devrais comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, je devrais, je devrais. Qui est qui l'en saura tôt ou tard? Pro ou pas, T.O.P. ou pas, on y va toi et moi, ok ou quoi? Aboutir à quelque chose de n'importe quel sport. La plupart du temps parti d'en bas où les chemins escorcent. Obtenir la demande par la force. Quand tu arrives par la gauche, l'arme apporte. Et quand le mal approche, quand il frappe ma porte. Pas ma faute, l'homme c'est l'homme et son quelqu'un. Tu sais ce que la rage amorce et jusqu'à la mort parfois pour quelques. Entre les mecs en place et ceux qu'on incarcère. Style de vie de Mars et la vie en face et son caractère. Sans chercher à comprendre, pas content. Lui n'est pas de mon clan, à tout moment il peut se retrouver arrogant. Bien sûr je parle comme si j'étais parfait. parfait. J'ai taffé sur l'erreur, fais gaffe et observe et vers ce que je n'ai pas fait. À chaque jour, son devoir responsable et son accès. À chaque jour, un bonheur, un risque à se partager. Je devrais, comme narguer le danger. Je devrais, comme revenir se venger. Je devrais, comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, comme narguer le danger. Je devrais, comme revenir se venger. Je devrais, comme voler pour manger. Je devrais, je devrais. Toujours la zone, toujours 13. Toujours la zone, toujours 13. Toujours la zone pour blanc, toujours 13 sur la plaque. Attache ta ceinture, t'en vas y avoir impact. Quelle langue je parle, celle qui marque, celle de la vérité, celle qui te fait faire la flaque. Je suis pas là pour que ça flatte, mais présent pour que ça frappe. Tu as l'essence, moi, j'ai essence et lance-flamme. J'pratique les jeux de coups, les jeux de drogue, jeux de sexe, jeux de sous, les jeux de danse. Et s'il faut, je teste, je devrais, comme narguer le danger. Comme ceux qui transportent chaque jour plusieurs plaques sans G. The street, bien quoi, les jeux de vrai sont strict. J'pratique, et pourquoi? Car j'aime ce trip, parole simple, mais tu connais le style. REF click, REF click, REF click. La gueule de bande, t'as rien bougé, nous tu viens de tourner le sport. Respect pour les vrais, je devrais, comme narguer le danger. Je devrais, comme revenir se venger. Je devrais, comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, comme narguer le danger. Je devrais, comme revenir se venger. Je devrais, comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, comme narguer le danger. Je devrais, comme revenir se venger. Je devrais, comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, comme narguer le danger. Je devrais, comme revenir se venger. Je devrais, comme voler pour manger. Je devrais, je devrais, je devrais.